Ils avaient le cœur en bleu, ils avaient le temps, la vie devant eux. Mais l'éclair, le tonnerre leur a fauché leur jeunesse et leurs idées. Une phrase interrompue, ce rire étonné qu'on n'entendra plus. Souvenir d'avenir, stylo brisé, ils avaient priorité. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir fini de commencer. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir chanté, d'avoir fait le tour des années, d'avoir fait l'amour, d'avoir tout donné. Dans sa chambre où tout l'attend, il a laissé là ses cours d'étudiant. Une photo quelque part, dernières vacances, qui vous dit dans le silence. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir eu la vie pour exister. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir chanté, d'avoir pris la vie comme elle vient, aimer les copains, sauver l'amitié. L'encre sèche dans l'encrier, à qui le courage de le refermer? Ce qui reste sans eux, c'est encore eux, ça vous brûle au fond des yeux. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir fini de commencer. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir chanté, d'avoir fait le tour des années, d'avoir fait l'amour, d'avoir tout donné. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir écrit ce qu'ils étaient. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir chanté, d'avoir fait le tour des années, d'avoir fait l'amour, d'avoir tout donné. Parti avant d'avoir tout dit.